out there, there's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche. Alors, merci encore de nous écouter. On va désormais prendre un rythme d'un épisode par mois. Ça semble plutôt bien parti jusque-là. Merci pour les quelques derniers retours qu'il y a eu sur l'épisode concernant Interstellar, avec notamment Fab, Kenton et Karine. D'ailleurs, merci à eux d'être venus. Pour ce nouvel épisode de À l'affiche, nous allons parler du film Wall-E. Mais pour en parler, je ne suis pas tout seul. Alors, on va présenter les nouveaux invités. Bonsoir, Musica. Salut. Bonsoir, Loli. Oui, je suis là. Et bonsoir, Steph Core. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va attaquer un nouvel épisode sur le film qui s'appelle Wall-E. On ne le présente plus, je crois bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Je le connais pas. Mais film sorti le 30 juillet 2008, réalisé par Andrew Stanton. Film d'animation américain, film des studios de Disney Pixar. Ah, c'est pas un film sur les cyclismes? C'est-à-dire? Bon, bah, t'as pas la référence. Non, j'ai pas la référence. La classe américaine. La classe non, américaine. J'ai pas la référence. Il te restera maintenant à faire un à l'affiche sur la classe américaine. Oh, mais américaine. Oui, mais trop. Ah, et ouais, après, tu feras un à l'affiche avec Derek contre Superman. Oh là. Voilà, c'est un quart d'heure, donc bon, ça va être un peu compliqué. Mais non, mais tu fais les deux dans le même. C'est pas un peu sexto, là? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Enfin, bon, bref, on est là pour parler de Wall-E, du coup. Donc, pour premier aperçu, vous avez pensé quoi du film en premier jet, comme ça, quand on vous parle du film Wall-E, ça vous fait penser à quoi? Plaisir, joie, vous le voyez régulièrement, vous êtes un grand fan. Personnellement, Wall-E, donc je le classe dans mon ultra top Pixar, avec en numéro 1 la trilogie donc Toy Story, et juste derrière Wall-E, parce que fait partie effectivement de mes Pixar préférés. C'est vrai que c'est quand même, sur le moment, il y a maintenant presque, il y a 7 ans presque, 8 ans bientôt, c'était un bon film, mais sans plus, et plus le temps passe, à force de le voir et de le revoir, je me dis ouais quand même que c'est un très très bon Pixar. Alors après, je sais j'en connais certains qui sont, on va pas dire sceptiques, mais qui ne ressentent pas cette sorte de magie qu'il y a avec cette histoire assez originale, on va dire, dans son ensemble. Non, mais c'est des gens qui connaissent rien, c'est pour ça. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est... Dans les Pixar, c'est pas loin, ouais, d'être mon méga, même si je suis encore un peu avec des histoires dans les yeux de Vice-Versa, mais il est pas mal non plus. Et je ne l'ai pas encore vu, Vice-Versa. Moi non plus. Et je suis d'accord que Wall-E est un très très bon film avec une histoire assez originale, on va dire. Non, l'histoire n'est pas originale. Par contre, la façon de la traiter l'est. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, elle n'est pas très originale. L'histoire, c'est une histoire qu'on pourrait avoir vue sous des dizaines de formes dans le principe. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vais pas trop m'étaler pour ça parce qu'on a tout l'épisode pour le faire, mais pour moi, l'histoire, elle est relativement simple. Or, la façon dont est traitée l'histoire, ça, c'est pas simple. Les humains ont quitté la Terre parce qu'elle était c'était invivable, et le but postulat de base là, il est assez standard pour le film de cinéma. Mais c'est en pas fait, la première fois est, qu'on il le est, voit. Et surtout ce postulat là même, on va y aller plus loin, c'est que en fait il est que extrêmement secondaire. C'est mais vrai. Il sert juste à amener ces personnages. Il sert de thème, il sert de trame de fond. Il sert juste à amener la petite Wall-E, donc justement Wall-E, ce personnage principal qui est ce petit robot cubique qui fait partie. Oui, qui est un cube quand il se range pour se planquer notamment. Pour se recharger. Se recharger aussi. Ah, d'ailleurs, faudra qu'on en parle de 2-3 détails sur Wall-E. Mais attention à ce que tu dis. Hein. C'est un petit robot qui est assez assez original, qui, ouais, c'est un sorte de petit cube quand il se range avec cette sorte de grosses lumières, de grosses loupes en guise d'œil, bah, avec ses deux bras qui, ouais, c'est ça, cette paire de jumelles, avec notamment ces deux bras qui font qu'on, on dirait presque un petit humain au final, comme robot. Ah, mais il est très, ouais, il est très, comment on appelle ça quand c'est quelque chose qui a une forme humaine? Bah, il s'est humanisé, on va dire, ouais. Le... Ouais, voilà, c'était pas le mot que je cherchais, mais oui, voilà, il est très humanisé, mais en même temps, je pense qu'à partir du moment où un humain crée quelque chose, ça, il faut que ça ait plus ou moins une forme humaine, quoi. Même si, pas complètement, mais bon, au moins le visage ou un truc. Comme ça, après, bon. Moi, si vous voyez des gens cubiques dans la rue, vous me le dites, hein, ça. Oui, non, mais là, c'est un robot! On m'a pas dit que c'était un être humain! Mais oui, ah ben, moi j'avais beaucoup aimé le film, mais c'est vrai qu'après le schéma narratif de base, il est enfin il est très classique, quoi. C'est après, oui, c'est décliné dans une version un peu est-ce que c'est post-apo? Ouais, on peut dire non, ça. Non, pas vraiment. Bah, si on dit que le fait c'est que... un truc futuriste mêlant post-apocalypse et oui. Science-fiction. Bah oui, donc c'est un peu post-apo, quoi. Pas, c'est pas non plus post-apo, c'est genre, c'est, il y a des zombies de partout, enfin, c'est... etc. Mais c'est, oui, c'est, bah, il y a une sorte d'apocalypse qui a fait que c'était la fin du monde. C'est, on va revenir au truc de base, quoi. C'était plus ou moins ça, mais c'est, et maintenant que j'y pense, c'est quand même, c'est plutôt pas mal de, j'ai pas souvenir de Disney ou de Pixar qui font vraiment des comment dire, si, remarque, il y a eu des Disney, mais les Pixar, il n'y en a pas eu de tant que ça sur ce thème là justement, sur le post-apo, ouais, ou de la dystopie vraiment comme ça. Il y avait la planète au trésor, je crois, je me rappelle plus, de chez Disney qui faisait ça, mais c'était il n'y en a pas eu tant que ça après, maintenant que j'y pense. Mais c'est surtout la réal après qui était qui est vraiment très original, que j'ai beaucoup aimé. C'est un moyen assez original, juste pour commencer un peu à avancer dans l'histoire. Donc, bah, c'est l'histoire d'une, comme on vous disait, de Wall-E, qui est le rescapé d'une flotte de robots qui était chargée de nettoyer la planète Terre, en fait, de récupérer les déchets laissés par les humains et les compacter pour les jeter, je sais pas trop s'ils les jettent, mais au moins les stocker de manière plus organisée, on va dire, pour les regrouper et que le reste de la Terre soit normalement vivable. Mais je sais pas qui était le programmeur des robots, mais pas très malin, quoi. Parce que de stocker à l'intérieur des villes les déchets, ça, ouais, j'avoue, j'ai pas trouvé ça, oui, très malin, quoi. C'est vrai, non, ouais, t'as raison. Moment, on voit dans le... Je crois que vers le début du film, on voit des espèces de... d'espèces de grands tapis roulants où je crois que les déchets devaient se mettre là, et ça, je sais pas où ils devaient aller, mais je pense qu'ils devaient être détruits après, hein. Donc quand tu vois que Wall-E, il vit dans une sorte de sa petite pièce de son petit chez lui, c'est, on dirait, une sorte de Wall-E mais version XXL dans lequel il vit, tu peux imaginer que lui c'était juste le petit soldat de tout un organisme qui n'existe plus, en fait. Mm-mm. Et qu'à la base, oui, il devait être beaucoup plus organisé que ça. Moi, il y a un truc qui m'a, alors c'est pour le visuel, c'est peut-être important, mais un truc qui m'a marqué, c'est que la Terre est vraiment envahie de déchets, mais les humains, enfin, j'ai du mal à imaginer que les humains soient partis avec des déchets à ce point-là autour d'eux, en fait. Ah, bah ça, que alors, tu regardes que par en deux facteurs. Oui, vas-y. Le premier facteur, c'est que effectivement, on le voit bien si on fait une analogie avec notre situation actuelle, on est dans une société de consommation. Ah, mais elle est décriée. Donc, qui dit société de consommation dit emballage sur emballage, donc détritus en quantité astronomique. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, étant donné que on voit bien que Wall-E est le dernier rescapé, si j'ose dire, de cette vague de robots nettoyeurs, en fait, eh bien, le problème étant que, comme c'est le dernier, les détritus ont commencé à être regroupés dans les villes. Ce qui s'accroche au bâtiment, finalement. Voilà, et le problème, c'est que, ok, ils ont été regroupés dans les villes, mais comme il n'y a plus qu'un robot pour nettoyer, il est submergé. Bah, forcément qu'il est submergé et que, bah, si tu te retrouves à avoir des monceaux de déchets comme il y en a actuellement. Bah oui, mais complètement. Et quand tu parlais de société de consommation, on retrouve, bah, c'est exactement alors ça on au l'a, final. On l'a plus tard dans le film, le gros flash dans la gueule de la grosse, la grosse société de consommation. Oh, même dès le début. Et j'en bah, fais, on l'a dès le et début. Et j'en fais exprès on... de dire grosse, hein. Je... Mm-hmm. Voilà. On l'a dès le début quand on suit Wally qui fait sa petite vie, métro, boulot, dodo, où on le voit passer notamment quand il suit une ancienne ligne de train, là, et qu'on voit des pubs pour BNL qui était en tout cas leur énorme chaîne de magasins. C'était une multinationale, hein. C'était même plus que ça, c'était une grosse multinationale, ouais. On dirait un consortium. Ils font la pub partout, quoi. Bah, on dirait même un consortium qui était arrivé même à un point de vue gouvernemental parce que c'est eux qui décident l'évacuation terrienne. Mais c'est ça. Et qui la gèrent. Ouais, c'est ça. Donc, c'était régi par ça. C'est pour ça que moi j'ai même une on parle souvent de de surconsommation dans le film, mais je vois ça d'un œil différent. Pour moi, c'est pas de la surconsommation. C'est de l'hyperconsommation, mais guidée en fait. Même pas. Pour moi, c'est beaucoup ont vu une critique de la surconsommation, et vu que pour moi, la représentation de BNL arrivée à un moment n'est même plus, on va dire, un consortium ou une entreprise, mais c'est devenu quasiment une organisation gouvernementale pour pouvoir. C'est une société-État. Voilà. Et je me dis que là, la démonstration qui nous est faite, c'est pas contre la consommation, c'est contre l'assistanat. C'est la. Ah non. Oui, je suis d'accord. C'est, à mon avis, c'est tout un ensemble mixé. Ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment ce qui m'avait frappé, c'était vraiment une critique de la société de consommation, de tout ce qui est le consumérisme en lui-même, le fait que c'est même plus la consommation, c'est la surconsommation, comme vous avez dit. On voit bien ce que les humains ils deviennent au bout d'un moment. Plus tard dans le film. Et même on voit, c'est très bien symbolisé vers le début du film. T'as carrément BNL là, le méga store, comme ils appellent ça, qui entoure la ville. Donc ça montre bien que c'est enclavé, c'est complètement régi par ça. Mais c'est en fait, je me demande si c'est même plus que ça. C'est carrément tout le côté capitalisme, tout le côté. C'est un peu de la dictature de la consommation, quoi, à ce stade. C'est le président. On sait même pas si c'est un président. C'est-à-dire le mec qui. Non, c'est le président du directoire de l'entreprise. Je sais pas si t'as vu, mais dans le petit clip, il est pas marqué qu'il était président de tout ça. C'est le, je l'ai vu en VO, donc je me rappelle plus comment on appelle ça. Le PDG de BNL. Et c'est l'équivalent du président américain. C'est le président du directoire. C'est ça. C'est une dictature de la consommation. Quand on voit des messages enregistrés de ce fameux PDG, il apparaît quand même derrière un pupitre qui fait beaucoup penser au pupitre derrière lequel les présidents américains, Obama actuellement, s'expriment lors de conférences de presse. Ah, mais complètement. Donc ça fait un peu penser comme si c'était un... Oui, finalement, comme si c'était lui qui avait pris les rênes. C'est pas comme, c'est lui qui a pris les rênes. Parce qu'après, tu ne vois aucune autre compagnie, tu ne vois aucun truc à part BNL. Tu ne vois que ça. Le mec, il est même pas, c'est même pas le président, tout ça, il n'y a aucun statut. On sait juste que c'est quelqu'un avec qui on est censé prouver du respect. Mais s'il est le seul truc où il est crédité, c'est CEO. CEO. PDG. Ouais, voilà, merci. PDG de BNL. C'est tout. C'est le seul truc là. Donc, c'est vraiment de la dictature là. C'est la dictature, c'est le capitalisme à outrance, la consommation à outrance. Attends, c'est là où je voudrais revenir parce que le capitalisme arrive à un moment, on le voit plus dans le film. Je vais vachement avancer dans le film. Mais quand on rencontre les humains dans le vaisseau spatial, il n'y a plus de capitalisme. C'est de l'assistanat pur et dur. Il n'y a que de l'assistanat, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus aucune notion d'argent. Ce qu'on voit, c'est une partie assistanat et isolement. Isolement dans la technologie, d'être sur les... là, ils ont fait la démonstration, même à l'époque, de l'enfermement dans les réseaux sociaux, parce que les gens ne sont enfermés que devant leur écran. Donc, le capitalisme s'efface et on ne voit que de l'assistanat. Si on pousse trop les gens à l'assistanat, voilà ce qui va nous arriver. C'est un message américain qui sont absolument contre l'assistanat ou l'aide sociale en tout genre. Je dis pas complètement contre, mais qui sont bloqués dessus. Et moi, j'ai pas vu du consumérisme à l'extrême sur la Terre. Je suis d'accord avec Steph. Là où je trouve que le mec a été assez fort, c'est que on est on ne sait pas exactement où c'est. Le pays n'a jamais été précisé. La ville où est, dans laquelle est Wally n'a jamais été précisé, tout ça. Mais on sait on se doute très bien que, enfin, ça ressemble énormément à New York, la ville. Et c'est une ville avec des grands buildings qui fait très ville. Il y a des trucs qui sont avec très. Beaucoup de bureaux partout. Ouais. Voilà, et c'est quand même très, comment dire, c'est. On voit direct que c'est inspiré de la société américaine. Je veux dire, la société américaine actuelle, dans quand tu vois toute l'imagerie du président, entre guillemets, c'est le président américain, mais même la consommation, tout ça, si, ça l'est beaucoup. Les supermarchés. Si tu continues dans l'esprit de BNL, effectivement, ça pourrait. Enfin, je parle du centre commercial en lui-même, ça te fait très les Walmart, etc. Exactement. À côté, ça ne colle pas du tout avec ce système de consortium, parce que les systèmes de consortium, tu les as beaucoup plus du genre en Corée. Ouais. Si tu prends Samsung, qui est un consortium en Corée, je suis désolé, mais t'es plus proche de ce mode de consommation-là que du mode de consommation américain. Mais attends, le truc en fait où je trouve ça assez drôle, c'est que donc, on sait très bien que c'est un truc, c'est vraiment inspiré de la société américaine, tout ça, il y a aussi un. Ça se voit quand même la consommation à l'américaine, on va dire. Mais l'ironie, c'est que c'est tellement poussé à outrance, ça a été tellement. Voilà qu'au final, c'est une compagnie qui régit tout, c'est devenu ultra libéral, tout ça. Le capitalisme a été à son paroxysme, à un point que c'est devenu presque du communisme. On dirait ça, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui régit tout, il n'y a aucune compétition parce que c'est quand même la seule entreprise que l'on voit, c'est tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a plus aucune notion d'argent, il n'y a plus aucune notion de hiérarchie à part le capitaine. Nous sommes les galants de la mère patrie. Ah mais le pire c'est que c'est ça, et c'est que j'ai l'impression que tu sais, t'avais certaines affiches qui étaient un peu années 50 au début du film, c'est se dirait mais putain, on dirait des affiches du communisme dans les années 50, tu sais, mais c'est je trouve ça assez marrant, c'est un joli pied de nez, et pendant très longtemps les Américains ont été contre le communisme, et si en fait, si tu pousses le capitalisme au maximum, ça ressemble pas du communisme, je trouve ça assez fort. Moi c'est ce que j'en ai vu, après je suis peut-être bizarre. Est-ce que t'avais mis tes lunettes? Oui. Non, voilà. Non, mais ton raisonnement se tient, quoi. C'est vrai que le capitalisme posé, poussé à l'excès, la base du capitalisme, c'est l'acquisition sans limite, quoi, et sans interdiction et sans limite. Et si, justement, une société fait l'acquisition sur tout, tu te retrouves dans un système simplement dictatorial, proche du communisme, mais sans le peuple, juste avec, un CEO, un communisme à la russe ou autre. Communisme à l'américaine, quoi. Voilà, avec un comité de bureau, et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que l'analogie se tient, ouais, c'est clair. Bon, on a peut-être été un peu loin en politique, Oasis. Tu veux qu'on revienne sur l'artistique? De toute façon, c'est ça aussi la force de Pixar, c'est que sous le couvert d'une petite histoire, on va dire relativement simple, parce que quand tu prends l'histoire dans son ensemble, elle est simple. Oui. On est capable de te foutre bien dans la gueule un bon gros débat bien politisant en te disant tiens t'as vu, mange. Et reprends-en un petit peu, on sait jamais. C'est la force des Pixar où il y a toujours eu une double lecture, que ce soit pour les enfants et les adultes, et là, elle est vraiment très très importante. Je veux dire, vraiment, dès le début, du début à la fin, tu sens qu'il y a une double lecture. Pour les enfants, ça va juste être, juste entre guillemets, être ces deux robots qui vont vouloir ramener, alerte spoiler, qui vont vouloir ramener cette plante pour ramener le vaisseau à la Terre, et pour les adultes, ça va être tout ce qui est, comme on l'a parlé juste avant avec l'histoire de BNL, l'histoire de l'isolation des humains, de la société de consommation et tout ce que vous avez évoqué précédemment. Donc c'est vraiment plutôt bien apporté. Et là vraiment c'est le film. Alors il est pas si vieux que ça, vous me direz, mais il commence à avoir un petit peu de temps et il est encore en plein dans l'actualité, quoi. Et je pense que pendant encore des années, que tu regarderas Wall-E, tu diras tiens c'est un peu ce qu'on ressent maintenant, ce qu'on peut imaginer comme futur ici, en dehors du vaisseau pour se barrer la Terre, je veux dire, mais tous ces critiques et ces visions, c'est ce qu'on peut percevoir, ce que certains peuvent percevoir pour le futur des humains sur Terre. Non, mais... Peut-être aller un peu loin aussi, hein, mais c'est l'impression que j'en ai. Pour moi, c'est le dernier, quand je vois les derniers Pixar, pour moi c'est le dernier Pixar qui avait ce double sens de lecture, quoi, où c'est quasiment même le seul, quoi. Aussi poussé, oui. Ouais, aussi poussé, oui. Il y a Toy Story 3 qui a une double lecture aussi, que je trouve très très sympa, adulte. Mais là, depuis quelques années, il y a là-haut aussi où il y avait un bon gros niveau de double lecture. Oui. Ah, ça faudrait que je revoie. 2008-2009, ouais, 2010, les trois, comment dire, et ensuite on est retombé dans du, c'était quoi, carte Monstre et compagnie, école machin là, l'université. Ouais. Vice versa. Non, il y a pas de, il y a pas de double lecture dans Vice versa. Je l'ai pas vu. Donc. Il est très bien, mais c'est vrai que après, c'est vraiment plus. Enfance, adolescence, mais sur vice-versa, tu fais tes projections, comment dire, à ta propre enfance ou adolescence, mais va pas te faire réfléchir ou te poser un point comme là, un second langage, une double lecture beaucoup plus poussée, quoi. Et c'est pour ça que Wally, ouais, non, je le garde. Moi, derrière, je mettrais Toy Story 3, quoi. Ah, pareil. C'est... Enfin, moi, je mettrais toute la trilogie aussi, hein, parce qu'il est quand même très bien. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Pour poursuivre un petit peu et avancer dans l'histoire quand même, revenir plutôt sur le côté historique, vraiment suivre le film qui se déroule. De ce qui est marqué clairement et explicitement dans le film. Voilà, on va dire ça comme ça, mais après il y a encore des doubles lectures qu'on verra sans doute un peu plus tard. Parlons des trois quarts d'heure de film où il n'y a pas un mot. Ah non, je l'ai regardé une deuxième fois, il y a 10 minutes... où il n'y a pas un seul mot. En fait, c'est jusqu'au moment où Eve qui sont ces robots envoyés par les humains qui sont exilés hors de la Terre, qui envoient des robots pour scanner la Terre, et au moment où ils détecteront une présence de une présence organique, quoi. Voilà, c'est ça. Et bah, ce sera signe que les humains pourront revenir sur Terre et que bah la planète sera de nouveau exploitable. Oui. Et on va donc retrouver après tout ce qui est. C'est au moment où donc ces deux robots arrivent et qu'on commence à apercevoir un peu de quelques paroles, il me semble, ou au moins des bruitages. Alors, notamment de Wally. Quand je tente trois quarts d'heure sans un dialogue, j'exclus les Wally et les Eve. C'est vrai qu'à part ça, parce que pendant trois quarts d'heure, tu n'as pas un mot. Attends, excuse-moi, mais tu retires aussi la comédie musicale. Parce que c'est pas du dialogue, vraiment, la comédie musicale, c'est un pan de discussion, mais c'est pas un dialogue à proprement parler. Une comédie musicale? Oui, la musique qui passe regarde sur l'iPod. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez les deux jolis placements de produits qu'il y a eu pour Apple, hein, dans le film. Ouais, en même temps, c'est Pixar. Oui, c'est Pixar, mais je sais pas pourquoi il y en a eu à ce point-là. Je me suis dit, putain, est-ce qu'il y a un truc. Parce que c'est Job, Pixar, parce que Pixar. Alors, j'ai raté Job. Quelque chose. Parce que, ouais. J'ai raté quelque chose, mais je vois pas de quoi tu parles pour les placements de produits. Ou alors, ils sont tellement bien placés que je les ai est-ce pas. Est-ce que tu te rappelles. Voilà, déjà Wally, quand il se recharge deux fois, enfin quand il se réveille, on va dire. Ah, c'est le bruit d'un Mac. C'est un Mac. Et après, exact. L'espèce de télé où il regarde justement des extraits de comédie musicale, avec les musiques et tout ça, c'est un iPod. C'est un écran d'iPod classique qui grossit. Hein. Exactement. C'est un iPod classique sur lequel il met une loupe. Ouais. Mm-hmm. Ah oui, c'est. Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais. C'est tellement bien placé qu'on les voit pas au final, mais quand il réfléchit un petit peu, c'est assez subtil et assez discret. Et, ah, voilà. Et c'est plutôt intelligent quand même dans l'idée de ces petits bruitages. Ah, c'était les clins d'œil, quoi. C'est les clins d'œil à Apple, parce que bon, c'est quand même Steve Jobs qui a créé Pixar. Donc bon. Oui. Mais bon, après. Oui, au final, on retourne sur les bases de Pixar. Mais ouais, c'est vraiment un excellent film et je persiste que justement pour moi la partie la plus forte de ce film c'est on va dire trois quarts d'heure, je schématise, hein, où il y a pour ainsi dire pas de réel dialogue et de conversation longue, etc. Bah juste quand ils sont tous les deux entre eux en fait, sur la Terre, tu commences en fait. Réellement à avoir des dialogues que quand ça arrive dans le vaisseau avec les humains. Que quand au moment où quand tu as un plan sur les autoroutes dans l'Axiom, où tu vois les humains planqués devant leur écran en train de discuter entre eux, avant voilà. Ça, qu'il n'y a jamais. C'est des gens qui sont l'un à côté de l'autre qui se parlent par écran interposé. Et encore, oui, même ces dialogues-là, tu as du mal à les comprendre, quoi. Oui, parce qu'ils n'ont pas de sens. Voilà, parce que c'est juste de la bouillie, ça n'a pas de sens. Oui, les premiers dialogues. C'est des conversions saisies à la voilà, volée, pour moi, en fait. Les premiers dialogues, c'est à partir de, comment dire, des interactions avec le capitaine. C'est là où tu commences à avoir des dialogues. Autrement, t'as une bouillie humaine qui, comment dire, de conversation où tu saisis pas, où les et tu vois même les interactions qui sont faites entre Wally, comment dire, et les humains restent tout autant basiques que bah, celles entre Eve et Wally, quoi. C'est ça. Et c'est là que c'est très fort parce que t'as quand même trois quarts d'heure où finalement il se passe quand même pas mal de choses. Énormément de choses. Même pour ma part, c'est pour mon ressenti, c'est même une de mes parties préférées du film, on va dire. La première moitié, c'est une des plus belles de tout le film, je trouve. Ce moment où quand ils sont entre eux, qu'ils se découvrent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le moment où tu vois Wally qui est curieux parce qu'il y a un nouvel élément dans son environnement, mais qu'en même temps, il est maladroit, en fait. Mmh. Et ce petit côté mignon, et avec tout ça, ils ont ajouté beaucoup de bruitage, et au final, et même beaucoup de musique, et au final, c'est pas choquant que ça parle pas. Ah non, mais ça marche. Ça marche parfaitement. Tu pourrais regarder un film muet, tu regardes un film muet standard, tu dis, ça parle pas, ça sent. Là, tu le sens même pas, au final, que ça parle pas, parce que t'es tellement immergé dans cette ambiance qu'ils ont réussi à installer avec pour les spectateurs que bah ça passe très bien quoi. Et les petits bruitages, ils ont réussi, avec les petits montages que effectuent Wally et Eve, font quand même ils arrivent à exprimer leur je sais pas trop si pour des robots on pourrait dire émotion, mais c'est un peu ça oui, quand oui, même non, mais au c'est final. Ça. Moi c'est comme ça que ils, je ressens. Ils ont des émotions quand même. C'est quand tu vois Wally qui tombe amoureux de Eve, c'est une émotion et c'est excellent. Ils quoi, ont repris des basiques de comme tu dis, des films muets, comme on pouvait voir la Chaplin, où c'est les mouvements du corps, le positionnement des mains pour Wally, l'orientation du regard te fait directement. Donc t'as besoin d'aucune expression, tu as de l'empathie directe et tu vis cette empathie, tu la ressens, tu ressens tous ces sentiments et il y a pas besoin de mots quoi. Non, je disais non, c'est parfaitement pris par rapport au cinéma muet d'époque. Et oui. C'est la même scénographie, le même jeu entre guillemets le jeu d'acteur, parce que là on est sur deux robots, mais on voit que les gestes ou autres sont les mêmes. Et on n'avait pas besoin dans les années 20 ou dans les années 30 forcément de paroles. Et je parle pour des films pas forcément comiques, mais non. Où juste le jeu suffisait. Et ils ont fait la retranscription pareille, pas parfaite, mais au 21e siècle, ce qui est quand même assez fort. Et le ressenti est parfait, quoi. Moi, j'ai adoré ce passage-là, c'est clair. Tout autant que j'ai adoré. Je suis en train de te faire péter le conducteur, je suis désolé, je pars dans tous les sens. C'est pas grave, t'inquiète pas, on parle du film, c'est quand même ce qui et, compte. Hein. Comme tout autant j'ai adoré l'éveil, on va dire, de Wally vers Eve, tout autant, c'est peut-être beaucoup plus simpliste, mais l'éveil du capitaine. Le réveil du capitaine, je l'adore aussi. Ah oui. Le mec qui s'ouvre, qui se trouve au monde, qui se trouve à la Terre, à son humanité, juste par des images ou autres, mais le mec se réveille aussi. J'ai adoré ça, quoi. Tout autant que Wally, s'ouvre entre guillemets à l'amour et le capitaine qui se trouve à son humanité en disant mais entre guillemets il tombe amoureux de la Terre en disant je veux retourner à la maison. Mais... Ouais, mais complètement, mais tout à fait. Mais au final, quand il réfléchit, c'est presque les robots qui ont plus de personnalité que les humains dans ce film. Et du même en dehors de la personnalité et des sentiments qu'on a déjà pas mal évoqués, quand tu vois que au début, quand Wally il est tout seul sur la planète en train de faire sa petite vie, tu vois qu'il a besoin de dormir. Quand il se réveille, il a la tête dans le cul. Alors que et comme nous au final, c'est pour vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment pour qu'on s'associe à lui. C'est pas une impression. Ça fait des scènes très drôles. C'est pour ça. C'est pour une identification. Il faut qu'on s'identifie à Wally. Parce que quand faut l'humaniser un peu, si tu réfléchis, pour que les gamins, enfin déjà les gamins, mais même les adultes. Mais faut ça pour qu'on puisse s'accrocher et avoir un peu d'empathie pour le robot. Parce que t'imagines si tu avais un robot qui ne mangeait pas, qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne fait rien que des trucs froids sans intérêt, je sais pas, mais très mécanique. Ben, je pense pas que le film aurait eu le même impact aussi. T'es obligé de l'humaniser un minimum. Mais là où je suis d'accord, c'est vrai que c'est quand même ironique que ce soit Wally qui fasse, comment dire, qui il humanise en fait tous les personnages au fur et à mesure, parce que c'est le seul qui soit resté sur Terre. C'est le seul qui soit resté sur Terre, c'est il garde. C'est un peu une sorte de guide et de gardien en même temps. C'est-à-dire qu'il a gardé énormément d'objets, un peu comme dans La Petite Sirène, quoi. Il a gardé énormément d'objets de la vie de tous les jours. C'est-à-dire ses trouvailles de la vie de tous les jours des humains, tu veux dire ? Ouais, voilà, c'est ça. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il ne connaît pas la valeur, on va dire. Il ne comprend pas tout. C'est très drôle, ça aussi. Quoi ? Pardon ? Quand il range une VHS dans un grille-pain, tu sens que c'est très rigolo, qu'ils comprennent pas tout aussi. Ils comprennent pas tout, mais c'est... Il voit que ça rentre, mais qu'il se dit qu'il y a un bug. Voilà. C'est ça, mais c'est... Il garde quand même tout ça, c'est lui qui est vraiment un gardien de tout ça, c'est lui qui montre... Quand Eve, elle arrive au début, elle est quand même très froide, c'est très robot, quoi, elle a rien, c'est... Au début, mais oui. Voilà, mais c'est après, petit à petit, c'est à son contact qu'elle va commencer à s'humaniser et tout ça. Et pour tous les humains, c'est pareil. Le premier humain qui va s'humaniser, c'est l'humain qui va, il va bousculer un humain qui va tomber de sa chaise, et c'est là qu'il va refaire vraiment la civilité. De toute façon, les civilités, c'est Wally qui les fait dans le film. Ce qui est assez drôle. C'est le robot qui fait toutes les trucs de politesse qui se présentent et tout ça, et les humains n'en font pas eux-mêmes, quoi. Mais non, parce qu'ils les ont perdus, ces notions-là. C'est ça, mais quoi qu'après, dès que, par exemple, pour la femme qui va... Après, il y a le couple, va le forcer à déconnecter, c'est... Dès qu'il demande de passer, il dit « Oh, mais bien sûr, allez-y, tout ça, c'est des automatismes qu'il retrouve très, très vite après. » Mais c'est quand même super ironique que ce soit finalement le robot qui le fasse, quoi. En fait, le robot finit par être plus humain que les humains. Exactement. Mais peut-être aussi parce qu'il c'était le seul à être resté vraiment sur Terre, quoi. Enfin, c'est le seul personnage à être resté sur Terre tout le temps. Enfin, jusqu'à ce qu'il veuille récupérer Eve. Mais c'est le personnage qui est resté le plus longtemps sur Terre et qui était en contact avec tout ce qui avait fait l'humanité. Tous les objets qui pouvaient avoir de la valeur. La valeur, même des valeurs sentimentales, par exemple la bague qu'il trouve, c'était quand même il s'en fout, il veut juste la boîte avec la charnière. Il n'a aucune notion financière ou monétaire du truc, mais il sait pas du tout ce que c'est. Lui, il va juste s'intéresser au jouet que la boîte fait, entre guillemets, parce que c'est un vrai jouet, oui, quoi. Mais toutes les petites découvertes comme ça qu'il a, c'est vraiment très drôle. Il y a aussi quand il récupère une sorte de, comment ça s'appelle, une sorte de cuillère qui est de fourchette qui est très creuse et qu'il voit hésiter entre les deux. Non, c'est il a même sport qu'il hésite entre la cuillère et la fourchette et il se dit mais qu'est-ce que je fais. c'est ça, il est au milieu. Où il y a également cette scène quand Eve et Wally ont fait connaissance. Et que c'est une vraie scène d'amour, en fait, hein. S'ils ont fait connaissance et Wally la ramène chez lui, et que tu vois Wally qui lui présente cette trouvaille et que quand Eve, elle arrive à allumer une ampoule et qu'il comprend pas, mais c'est... Mais oui. C'est trop mignon. Ah, mais c'est trop chou. C'est vraiment ça. Et t'as vraiment l'impression que c'est vraiment Wally qui guide, parce que c'est lui qui va quand même, c'est par lui que tout débute, hein. C'est parce qu'il a trouvé la plante, quoi. La plante qui était gardée. Bah, de toute façon, on quitte jamais Wally au final. Ouais, voilà. C'est le personnage principal du début à la fin. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est son nom. C'est-à-dire que Eve va trouver la plante, mais c'est. Enfin, va la ramener au vaisseau, donc quelque part, oui, enfin, c'est quand même un élément bien déclencheur et tout, mais c'est quand même lui qui l'a trouvé. Et j'aime bien aimé d'ailleurs le fait que, pour symboliser le fait que la plante, c'est un truc super important, la plante, elle est gardée dans un frigo qu'il est obligé de couper au laser. Et que, tu sais, ça fait le truc protégé, ça fait un peu le coffre et tout ça. Ça, moi, j'avais bien aimé. Oui. J'ai trouvé ça. Oui, je vois. L'idée, j'avais bien aimé. Mais. Mais on ressent également l'importance de la plante. Absolument. Quand tu vois Wally qui présente la plante à Eve et que tu vois Eve qui se met dans tous ses états avant de s'endormir. C'est pour vraiment illustrer l'importance qu'a cette plante pour Eve et donc pour les aimants. Ça, c'est énorme. Pardon ? Ah, toute la scène, Quoi, tu veux dire quand Eve est complètement... Ouais, quand elle se met en stase, en fait, enfin en stase, façon de parler, et qu'elle se met en veille et qu'elle attend, toute la scène résulte est, pour moi, magnifique. Elle est trop mignonne, c'est trop mignon, quoi. Et j'ai adoré le rewind, d'ailleurs. Quand il écoute le cœur de Eve, d'ailleurs, c'est juste... c'est... Quand il écoute le cœur de Eve, quand il fait prendre le soleil à Eve, pensant qu'elle a des panneaux solaires comme lui, il prend soin d'elle, notamment qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et aussi, cette scène de romance où il sur fait... le banc public, où il, sur le banc public, où avant, il fait une balade sur les flots avec Eve, et qu'après, ils sont sur le banc public. Ça fait cette scène de romance, c'est vrai que c'est... Moi, le truc qui m'amuse, c'est genre des moments quand les plus beaux du film. Il essaie de lui tenir la main et que t'as l'impression qu'il se pince. Oui, parce qu'elle est. Oui, exact. Parce que même. Même à un moment, t'as Eve, comment dire, qui. On va dire, lorsque les sentiments d'Eve envers Wally, on va dire, ressortent, elle oublie sa mission et c'est lui qui relance la mission. Il reste jusqu'au bout. Elle lui dit non au final après. Elle avait laissé limite tomber la plante et c'est lui qui, non, va rechercher la plante, c'est au moment où ils sont dans la décharge, va retendre à Eve en disant non, il y a la mission à faire, il faut absolument aller au bout de ce qu'il y a, et il reste jusqu'au bout, ouais, comme vous disiez, l'acteur principal et celui-là qui va mener la mission du bout au bout, et cette relation, ouais, est absolument, absolument géniale, quoi. Non, mais c'est sûr. Et il y a un truc que je trouvais ça assez rigolo. C'est un autre thème qui avait été abordé. Excuse-moi si t'as envie de passer à autre chose, vas-y si tu le dis. Non, continue, hein, t'inquiète c'est, pas. Parce que je suis en train de penser à ça. C'est un autre thème qui est important, je trouve, dans Wally et qui est développé, mais par petites touches. Je me demande si ça retrace pas un peu tout le début de. Comment dire de l'humanité, en fait, c'est le début de l'humanité et le début, on va dire, de l'histoire un peu américaine aussi, l'histoire de l'humanité, mais l'histoire aussi des États-Unis, parce que déjà, c'est bizarrement, c'est les humains qui vont revenir après 400 ans, tout ça, c'est-à-dire que c'était un peu des exilés, quoi. C'est typiquement l'histoire américaine, hein, parce que bon, ils ont quand même traversé l'océan pour venir jusque-là, enfin, venant d'Angleterre et tout ça. Et, les noms, c'est quand même très... Il y en a certains qui sont très bibliques et très significatifs. Enfin, Ève, c'est quand même la première femme selon la Bible. C'est pas pareil, mais quand même, c'est un peu dans le... Comment dire ? Dans la culture occidentale, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Même si t'as jamais lu la Bible, même si t'as jamais fait de catéchisme, t'es jamais allé à l'église ou peu importe. De catéchisme. C'est, je veux dire, Eve, tout le monde sait plus ou moins. De toute façon, je crois que tout le monde y croit dans les trois religions monothéistes. Eve, c'est quand même la nana de base, plus ou moins. C'est la première femme, quoi. Qui a voulu faire une tarte aux pommes. La pauvre. Voilà, bon, elle s'est un peu plantée, voilà, mais bon. Elle a planté sa recette, c'est pour ça. c'est ça. T'as mal fait ta tarte, dégage, je veux plus te voir. Comme quoi, non. Oui, je la sentais venir, la blague misogyne, là. Je la sentais venir. Oh, j'ai rien fait. Mais tu l'as pensé très fort. Non. Enfin bref, il y a ça, et le fait qu'il plante un truc, c'est quand même assez symbolique quand tu plantes. Comment dire, souvent, je sais pas, t'as le symbole de planter la première graine ou poser la première pierre, tu sais, pour reconstruire quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Enfin, t'as beaucoup de trucs comme ça, et même, bon, ça après, c'est peut-être un petit peu à part tout ça, mais par exemple, en anglais, les deux humains qui se voient, c'est John et Marie. Bon, ça, c'est. C'est pas loin d'être ça, je crois. En français, ça doit être Marie et Jack, il me semble. C'est de Jack mémoire. En français ? C'est Jack en français ? Il me semble que ouais, c'est Jack en Jack, français. Ouais. Oh putain. Mais en tout cas, en anglais, c'est Marie et John. Et bon, je pense qu'on peut faire une analogie assez rapidement. Mais c'est-à-dire que, bon, parents du Christ, toujours selon la Bible, tout ça, c'est... Bon, après, c'est très poussé, mais je veux dire, t'as quand même beaucoup de trucs, ça. Et tout le développement de Wally, et même comment il racontait l'histoire au tout début, c'est-à-dire on nous montre tout, c'est même pas une voix off ou tout ça, ou c'est même pas Wally qui va nous dire comment ça s'est passé au travers d'un dialogue, tout ça. Non, il y a tout qui est montré. Et Wally, c'est tout le film, c'est un apprentissage. Au début, il ne parle quasiment pas, puis après, ils disent que quelques mots. On voit que Wally accumule des objets, accumule du savoir, mais il ne sait pas très bien s'en servir. Puis après, c'est exactement pareil pour les humains. Et puis même à la fin, on voit carrément qu'ils apprennent à marcher. Quelque chose qu'ils n'avaient plus fait depuis super longtemps. Et moi, je trouvais ça assez bien amené. Je trouvais ça super... super bien exploité. C'est vraiment tout l'éveil, même le capitaine, c'est peut-être même le plus obvious, enfin le plus évident. C'est vraiment, c'est au début, il ne sait rien. Il ne sait rien sur la Terre et tout ça. Lui, il continue sa vie pépère. Il est complètement ébahi. Ébahi quand il demande. Oui, ben c'est ça, quand il redécouvre la vie basique sur Terre qu'on fait plus ou moins tous les jours. Quoi. Et forcément, vu qu'ils ont été dans l'espace, dans des vaisseaux entourés de. De métaux, de plastique et ou rien d'organique, pas de saleté, ils font pas de défauts. Oui, bah forcément, ils sont complètement vautrés dans leur siège à se déplacer comme ils veulent, où ils veulent, ils regardent même pas autour d'eux, donc au final, c'est bon. C'est ça, mais ils redécouvrent absolument. C'est triste. Ouais, ah, complètement. C'est franchement, si l'humanité en arrive à ce point-là, faudra vraiment s'inquiéter ou remettre beaucoup de choses en question. Mais enfin, c'est en plus, ils ont quand même des physiques de bébés. Moi, ils me font penser à des bébés. C'est des bébés dans des berceaux, quoi, avec leur, C'est des gros poupons. C'est des gros poupons avec leur biberon, quoi. C'est typiquement ça. Il y a. Oui, parce que dès qu'ils tombent de leur vaisseau, ils peuvent pas se relever eux-mêmes. C'est ça. C'est vrai que c'est très, ça fait très bébé. Ouais, voilà, final, il manquerait plus ou un peu tortue. Ou un peu tortue, tu sais, une fois qu'ils sont sur le dos, ils peuvent plus rien faire. Il y a un peu ça, ouais, de certains insectes aussi comme ça. Mais. Et voilà. T'imagines que la comparaison que ça fait, c'est quand même que ces deux bébés, enfin, dans l'idée, et qui sont quand même accros à leurs écrans. Exactement. Oui, bah oui. Cherche la logique là-dedans, quand même. Il y en a pas. Clairement, il n'y en a pas de base dès le début, quoi. Il y en a pas. Enfin, la logique. Ils ont, comme je disais, ils sont comme deux bébés au niveau de leur réaction quand tu les enlèves de leur fauteuil, mais en même temps ils sont déjà accros à leur téléphone et à discuter via un cran interposé à chacun de leurs collègues. Ah, ça me rappelle le tram. Oui, bah ça, c'est ça rappelle les transports en commun un peu à tout le monde, voilà. Hein, mais bon. Mais même après, tu vois, quand t'as des tablettes pour bébés, hein. T'as des tablettes tactiles pour bébés. Mais même de mon temps, moi, je me rappelle, t'avais des ordinateurs portables pour les ordi babies. Ouais, bon, c'est pas forcément des bébés, V-tech, mais oui. Déjà, et ça s'appelait les ordi babies. Bah, je savais pas que ça s'appelait. J'en ai eu un, quoi. Mais bah, moi aussi. Voilà, mais je sais pas, quand tu vois que même à l'école primaire, tu peux avoir des gamins qui ont des iPhones ou des trucs comme ça. Bon, peut-être pas des iPhones, quoique, ça m'étonnerait pas maintenant. Qui ont des iPhones à cet âge-là. On va dire des smartphones. Voilà, des smartphones. Mais iPhone, j'aime bien parce que ça montre bien le truc un peu beaucoup cher. Mais bon, des smartphones, ça marche aussi. Alors, tu vois, donc des gamins qui ont des smartphones super chers, tout ça, alors qu'ils sont, tout au début du collège, voire même ils sont au primaire. Franchement, c'est quand je vois le film après. J'arrive à faire le rapport. Tu vois, c'est plus poussé dans le film, mais. Ça m'étonne pas. Et donc, il y a un dernier truc, c'était toujours dans ce côté évolution. C'est vraiment ça que t'as tout le générique de fin est entièrement basé là-dessus. C'est-à-dire, tu commences de l'Antiquité pour aller vers. Je sais pas si vous êtes allé jusqu'au générique de fin, mais bon, moi. Oui, je la regarde en entier, ce qui est magnifique. Justement, pour une fois que c'est pas juste du texte qui défile. En même temps, ils ont su exploiter pour faire avancer les périodes et nous faire comprendre qu'on avance sur le style de peinture. On est sur du vent, on est sur un style grec. Ensuite, on est sur un style renaissance. On arrive sur du Van Gogh. C'est magnifique, quoi. Ça nous fait avancer dans les âges en disant tiens, l'évolution, elle est à tel niveau, quoi. On arrive au 18e ou 19e siècle. Et c'est vraiment classe. C'est ça, ouais. Non, mais déjà, la séquence, c'est vrai qu'elle était magnifique. Et en plus, ça renforce un peu ce que j'avais trouvé. C'est-à-dire que, vraiment, les humains, c'est bébé. Et Wally aussi, d'une part, était un bébé, mais bon, c'est... Enfin, un bébé. Il parle pas beaucoup. Il était juste à son rôle défini d'origine, en fait. Ah, mais il a acquis, enfin, après, je sais pas. Il a peut-être acquis aussi de la conscience, etc. Alors que quand il est rebooté... Il apprend à parler avec Eve. Mm. Et après, au final, ouais, plus le temps passe et plus il devient... Il mature. Plus il a le... Oui, il a une... Je veux dire, le sens des priorités avec... Bah après, il y a toute cette course pour toute cette histoire avec la plante dans le vaisseau, avec... elle est censée arriver chez le capitaine pour après qu'elle soit envoyée dans la pièce prévue, dans l'endroit prévu à cet effet pour que le vaisseau retombe sur Terre. Bon, ça, c'est intéressant, mais c'est important pour le film. Je dis pas le contraire, mais c'est pas la partie la plus imposante de l'histoire, ah non, on va dire. C'est du sous-tête. Et après toute cette scène où t'as Wally qui s'est fait écraser et qui est complètement en chaos, là, dans le, cette sorte de déchetterie, là, du vaisseau, et que tu vois qu'il dit à Eve, je ramène la plante, il a pris conscience que la plante était importante, alors qu'au final, quand il voit la plante la première fois sur Terre, il fait « Oh, une plante !» Et voilà, quoi. C'est curieux, ça. Alors après, il fait « Oh là là, mais c'est... » Il ressent que dans son environnement, ça a une importance capitale. Comment dire ? Lui, il avait gardé, parce que voilà, c'était quand même assez inhabituel, et il aimait quand même la... Il a dû trouver ça joli, hein, pour garder ça. Il ne prend que ce qui l'intéresse. Hein. Il ne garde que ce qui l'intéresse. Mais après, oui. Je pense qu'il avait déjà... À partir du moment où il a vu la réaction que Eve avait eue face à ça et que ça l'a mis dans un état pareil et qu'on est carrément allé la chercher pour ça, je pense qu'il avait compris dès le départ que c'était important. Hein. Après. Oui, je pense aussi. Ah bon, tu penses ? Ah oui, moi je crois. On a déjà fait un bon tour, un peu décousu, mais on a déjà fait un gros tour de l'histoire au final. Alors après, moi je pense qu'il faudrait quand même penser à parler de Hal et de Mo. Ah. Alors, Hal et Mo, ce sont... Alors, Hal, c'est le cafard. Petit... Il s'appelle Hal ? Ah, oui ! Hal, c'est le cafard. Je sais pas qu'il s'appelle Hal. Mo, je vois qui c'est. Et Mo, c'est le robot nettoyeur. C'est pas le prénom. C'est le robot qui va suivre Wally partout pour nettoyer rouleau. Ses saletés. Ça fait un peu comme Scrat dans l'âge de glace, voilà. En Alors, fait. Alors, Hal, en fait, est dans la première partie pour bien te montrer que t'es sur Terre. Mm-hmm. Et que la Terre est déchue, puisque c'est un cafard. Mm-hmm. C'est le seul. Oui. Et du coup, Mo colle bien avec l'univers totalement aseptisé du vaisseau. Ah, exact. Mais c'est les deux faire valoir un petit peu humoristique. Ah, complètement. C'est le running gag. Le cafard, c'est pas vraiment un running gag. Ouais, il fait quand même des petits blagues dedans, genre il lui roule dessus, puis après tu vois, puis poing. Oui, c'est vrai, ouais, quand il se planque dans le gâteau aussi. Oui, mais... et oui, il a des moustaches en plus. Ouais, on aurait dit un petit Père Noël, tu sais, avec des petits grelots et la petite barbe. Moi, ça me fait penser à ça quand je l'ai vu sortir de ça. On est en train de dire qu'un cafard est mignon quand même. Tel qu'il est fait effectivement dans Wall-E, oui. Il est mignon. Ah, complètement. Mmh. Oui, forcément. Et après, Mo, ouais, qui est complètement hystérique contre la propreté et qui s'acharne à le suivre de bout en bout pour nettoyer ses traces et après le nettoyer lui. Et puis, une fois qu'il a fini, enfin, il se pose et il fait connaissance avec le mec qui l'a fait chier depuis le début du film. C'est Wally, Mo. Sans se rendre compte que lui-même est totalement dégueulasse, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'en plus, ouais, ça qui traîne dans un endroit qui est pas forcément très clean, mais bon. En même temps, celui qui nettoie la saleté des autres, ça te rend pas très très clean. Mais il me semble que dans ce, enfin, dans les à côté du film, il y a eu des petits courts-métrages qui ont été des petites vidéos qui ont été faites, dont certaines qui ont été faites juste sur le personnage, sur ce petit personnage de Mo notamment. Donc c'était vraiment dans le de mémoire. Hein, j'ai quelqu'un de ma famille qui a le DVD, donc j'avais déjà regardé en diagonale les bonus. De mémoire, il me semble qu'ils avaient fait quelques petites vidéos bonus de Wally qui découvre des objets humains et également des petites vidéos où tu vois Mo dans diverses situations. Alors là, ça date un peu, donc je pourrais pas te décrire ce qu'il fait, mais même en dehors du film, il est pour le public, il est présenté comme un personnage entre guillemets à lui tout seul, quoi, qui a une importance un petit D'accord. peu. D'accord. Mo n'est pas juste un faire-valoir. Mais et ce n'est c'est pas ça, que voilà. Le sidekick rigolo, un peu lourdingue, tu sais, c'est des fois c'est. Non, c'est un personnage à part entière de l'histoire. Complètement, mais très bien équilibré. Et ça fait. C'est un personnage secondaire, mais c'est un bon personnage et il est présent. Il a une histoire, il a du corps, il a un quelque chose. Oui. C'est pas juste. Hey, coucou, je suis rigolo, je vais te nettoyer tout le temps et je vais te suivre comme un petit chien. Mais ça, j'en ai marre. J'en ai marre de ces films. C'est où t'as toujours le petit sidekick rigolo qui est juste là. Les gamins, ça va 5 minutes, mais bon, des fois, t'as envie de faire autre chose. Et ça, ça fait du bien. Ah. Pour parler également de robots qui ont une personnalité, l'assistant du capitaine, c'est un robot. Il est pas comme Mo. Je le mettrais pas au niveau de Mo, au niveau de c'est une intelligence maléfique, déjà. Personnel. Oui, bah, de base. Mais c'est. Vous rappelez quelqu'un moi, excusez-moi, mais c'est. Ça m'a fait une analogie à un jeu vidéo. C'est, GLaDOS. Je me suis dit, ouais, c'est. Oui, GLaDOS. Ouais, j'y voilà. Pensais c'est aussi. Portal oui. Est complètement. Et même quand tu vois dans le design et tout, par rapport justement à l'assistant du capitaine. Ah oui. Bah, l'œil rouge encore, ça, c'est la référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. HAL 9000. HAL 9000. Et ensuite, je me suis dit, ouais, en fin de compte, Portal, tout. On va dire le gros du design, au moins, c'est la base de référence. Ils me font pas croire qu'ils se sont pas référés, justement, bah, l'œil articulé, machin, ah, bon, ouais, c'est bon, on le voit. Hein. C'est clair, quoi. Avec cette sorte de barre de bateau qu'ils ont représenté pour vraiment représenter que c'était lui le capitaine et pas juste une sorte de boule qui se baladait dans le plafond du vaisseau. Ouais, c'est. C'est que j'ai et pas pensé au du portal, coup, le PDG de BNL m'a fait quand même pas mal me penser à Kev Johnson, toujours de Portal. Ah oui, putain. Ah, dans mode, on est Kev Johnson dans Portal 2. T'as joué à Portal? Et donc, c'est, on est dans l'innovation, oui, j'ai joué à Portal, on est toujours les meilleurs, regardez-nous. Mmh. Ah! La voix qu'on oui, entend. Je oui, suis exact, le leader. Exact. Bonjour. C'est un peu ça, tu vois. Bonjour, ici et, Kev Johnson. Et au final, ça colle. Oui, je me souviens maintenant. Ouais, ça colle parfaitement, ouais. Oui. Ouais. Ouais. Mais pourtant, Portal est plus jeune que oui, Wally mais de mémoire. L'un n'empêche pas l'autre. Non, attends, non, un peu, d'accord. Filmé sorti alors, quand Portal 1 est plus vieux que Wally. Ça, c'est 2010. De quoi? Wally, c'est 2008. Ouais. Donc, 2008. Portal 2 ans après. D'un autre côté, ça joue sur des gros clichés, donc c'est pas si étonnant que ça, et on peut pas vraiment les accuser, Portal, d'avoir triché sur Wally. Bah, de toute façon, il y a bien des inspirations toujours, donc. Bah oui. Puis c'est pas interdit, ça passe plutôt ah non, bien dans non, les deux cas. Je pense que et ça a joué, mais c'est pas mal. Et Portal 1, c'est 2007. 2007, Portal 1. Je me disais bien qu'il y avait 2007 pour un Portal. Mais c'est. Donc, du coup, les inspirations de GLaDOS étaient là. Ah, mais clairement. Alors, par contre, effectivement, Kev Johnson n'était pas là. Donc, Kev Johnson n'est apparu que dans le 2. De toute façon, Kev Johnson, c'est plus ou moins un archétype, quoi. C'est vraiment le. Oui, c'est l'archétype du leader charismatique. Bonjour! C'est ça, mais c'est l'archétype de Walt Disney dans les années 50-60 ou même d'après dans les comics, genre comment il s'appelle? Merde, le père d'Iron Man, je ne me rappelle plus son nom. Dominic Stark, voilà. Par exemple, c'est. Ah, oui, ça colle aussi, ouais. Philippe Stark, oui. Non, ça c'est le designer, c'est ça, non Star. Non, ça c'est le designer français, ça. Ah bah, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. C'est dommage. Mais bon, bah, voilà, pour les auditeurs, si vous saviez pas qu'il y avait un Philippe Stark, oui, un Philippe Stark, mais designer, voilà. Mais ouais, je pensais que justement Portal était après, bah tu vois, en fait. Non. Bah, après, c'est ce qu'on dit, c'est les convergences. C'est Howard Stark. Ouais, Howard, ouais, joli. Mm. C'était Dominique Cooper qui joue dans les films Stark. C'est pour ça. Mais entre Portal et Wally, au final, ouais, c'est ce qu'on appelle les convergences d'idées, quoi. Ah oui. De design oui, autre, c'est ça, quoi. Tout c'est l'univers futuriste aseptisé propre, lisse, blanc, tu vois. Et c'est au final ce que tu vois. Alors, effectivement, Portal, quand t'es dedans, c'est. Il y a eu un des merdes, résultat, c'est partiellement détruit. Mais tu vois ce côté blanc, propre, lisse. Ah, oh, complètement. Et dans les deux cas, que ce soit dans le film Wally au Portal, tu vois un peu cet envers du décor, quand même. Avec, dans Wally, c'est dit un peu différent, parce que quand on le voit tomber dans cette... Quand on le voit se prendre une décharge et tomber dans le... Dans les... Dans le cette sorte de... Ah dans le truc d'ordure, ça fait un peu l'envers du décor que qui est pas montré d'origine, enfin, qui est pas montré au public et qui est pas montré aux habitants du vaisseau l'Axiom. Et dans Portal, quand tu les vois s'échapper des salles très blanches, très lisses, très aseptisées, tu vois un peu pareil tous ces trucs un peu crados, un peu ou quand on se déplace, on marche sur les lignes. C'est ça, c'est vrai. Oui, et d'ailleurs, c'est un vrai, truc, ouais. Je viens de me rappeler. Vous vous rappelez là, enfin, dans la scène du vide ordure, là, tout ça, c'est tout le passage où Eve et Wally, en fait, échappent de très très peu au trépas. Oui, à partir de l'espace. Et ça ne vous a pas choqué, vous, en fait, que les humains, quand même, sont partis parce que la Terre était saturée d'ordures en tout genre. Hein. Et là encore. Ah, je vois ce que tu veux dire. Là, il y a quand même un monceau d'ordures. Bon, ça, je veux bien croire. Si ça fait 700 ans que tu te balades dans l'espace, je me doute bien qu'il n'y a pas qu'il y a des pertes au niveau que t'as des déchets. Mais le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est quand même juste de les balancer dans l'espace. Dans l'espace. Ça, c'est. Donc au final, on ouvre la fenêtre et on balance. Mais on n'a pas compris en fait. C'est ça, c'est ça. Comme en voiture pour ceux qui font pas gaffe, hein, c'est l'humain pollue son environnement, que ce soit la Terre ou l'espace, et c'est ce qui a présenté un plan. C'est carrément assumé à un moment donné avec le deuxième message du PDG, pardon. C'est. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Ah non, c'est pas ce message-là. Non, le truc du PDG, c'est où il dit, vous voyez, en fait, il y a trop de déchets. Donc le mieux c'est que ça ne reviendra jamais à la normale un jour. Donc plutôt que nous on se casse la tête, on retrousse ses manches et qu'on nettoie un peu le bordel qu'on a fait. Bah non, en fait ce sera plus facile pour tout le monde si on se cassait. Voilà. Et après tu te dis mais c'est exactement ça, c'est le truc de l'évitement, et donc tu vois que la connerie qu'ils ont déjà fait sur Terre, ils la refont mais dans l'espace. C'est on n'a rien appris. Ils n'en tirent pas les leçons. Ah non, ils mais du tout, hein, leçons, de toute façon, quand tu vois final. Ce qu'ils deviennent, ils n'en ont rien retiré. Ils ont juste le côté facile, feignant de l'American Way of Life, enfin la manière de vivre où tout est robotisé, automatisé, où tu as un peu tout ce que tu veux quand tu veux, de la bouffe, elle te tombe direct dans le bec, tu n'as aucun effort à faire. Mais alors après, tout ce qui est déchets, tout ça. Et tu manges dans voilà. un verre. Mais après. Parce qu'au final, les carbures aux milkshakes et aux boissons protéinées, machin. Oui, c'est vrai, ouais. Et il y a aussi un dernier truc auquel je repense maintenant, quand il présente un peu tout ce qui est la vie des différents des humains dans l'Axiom, c'est quand on leur dit « Découvrez cette nouvelle mode, votre habit de la couleur bleue ». Ça fait un peu pareil les gens qui vont, c'est la nouvelle mode, j'achète avec « Oh, pas. C'est joli, ça se clac, fait tout on seul. Change ». C'est exactement la même chose. Bah, ça me fait un peu penser à comme maintenant, que ce soit la mode vestimentaire ou divers autres produits, où on dit, mais celui-là, il est mieux que l'ancien, et une majorité de gens foncent l'acheter sans vraiment regarder si l'autre il était vraiment KO. Là. Alors, c'est moins puissant parce que c'est une couleur, tu me diras. Mais d'habits, ils ont un uniforme. Hein. Il y a un peu de ça quand même au niveau de la réaction, c'est... oui, puis ils ont des uniformes, mais surtout, la réaction, c'est vraiment de, on nous dit un truc, on dit, forcément, c'est bien, et on change sans réfléchir à nos, ils ont pas d'opinion, pas en fait. Ils changent, c'est comme. Si, ils appuient sur un bouton. Ils appuient sur un bouton sur leur siège. Pour moi, ça se fait, c'est même pas eux qui appuient, ça se fait tout seul, quoi. Et c'est quand ils sont déconnectés, de leur écran, pas de leur siège, mais de leur écran, ça se remet à la normale, quoi. C'est des humains connectés, ah oui, mais bah pas après, de la bonne manière. Le côté connecté, c'est juste pour déshumaniser justement tout ça, quoi. T'as plus aucun contact physique, t'as plus rien, quoi. C'est tous les robots qui font le sale boulot, enfin, tout ce qu'ils font, le travail, tout est laissé au robot, toi tu ne fais que t'amuser et surtout tu n'as aucun contact physique, quoi. C'est... Pour en remettre une dernière couche sur les humains, et c'est quand donc finalement les humains vont quand même réussir, ils vont retourner sur Terre avec l'Axiom qui va atterrir sur à côté de là où Wally travaillait au début du film, Et tu avec cette super cette scène qui en met une bonne couche sur les humains quand même, quand tu vois ce capitaine qui a redécouvert un peu l'ancienne vie des humains sur Terre, et qui, quand il leur présente le principe de base de l'agriculture au final, et qui après il leur dit on pourra bientôt faire des arbres dans lesquels pousseront des pizzas. Alors là, c'est le coup, c'est... Déjà, on a mis une bonne couche, alors là, c'est le truc où, allez, bam, c'est bon, KO. Ah oui, voilà, mais c'est vraiment le principe de base, et puis après, bon, ça, ils le verront pas en même. Non, mais ils ont copié le concept de la BBC pour faire des arbres à spaghettis, et ça va. C'est vrai. La BBC l'a déjà c'est fait. C'est vrai, hein. Exactement, ouais. Oui, non, mais c'est vrai que ça en rajoute une couche, mais moi, comme je l'ai perçu, surtout, ils ont encore... T'as encore des vieux réflexes, mais ils ont aussi énormément de choses à apprendre, quoi. Déjà, il y en a un qui en a appris une bonne partie. Avec Wally, ça va encore plus s'améliorer, je pense. Et voilà, mais ils ont encore énormément de choses à apprendre. Ouais, mais tu vois qu'au final, l'image négative qui a été donnée aux humains, tout à la fin, c'est une image positive sur le fait que les humains vont se sortir les doigts. Ah ouais, voilà. Ils vont se bouger pour reconstruire. Puis il y a la... Donc, c'est que s'il n'y a pas d'élément déclencheur... Ça va stagner, mais dès que l'élément déclencheur va se produire, la machine va se relancer. C'est ça. Exactement. C'est une valeur. Je pense que t'as tout ce qui est valeur de travail, d'effort, et puis aussi de solidarité, puisqu'au final, d'un truc super individualiste où tu ne vois personne à part sur ton écran, tu arrives quand même vers la fin du film pour aider le robot, pour aider les petits robots. T'as quand même des chaînes qui se font, les gens les aident, même les deux premiers humains qui ont été déconnectés, ben tu vois que ils vont aider des enfants. Il y en a d'autres qui vont s'aider les uns les autres. Et ils se reconnectent pas au final. Ils se reconnectent pas à leur écran et au revoir madame, quoi. C'est eux, ils sont déconnectés, ils ont trouvé que c'était génial comme ça, quoi. Et ils voient un peu la beauté de ce qui les entoure. Ouais, mais quand ils auront labouré 3 hectares de champs, t'inquiète, qu'ils regretteront leur mi-chèque. Oh, bon, après, hein. Faut laisser mieux, hein. C'est pas le travail absolument, mais bon, quand même, c'est... Ouais, non, non. T'as ouais. Une notion... Mais si ça pour la blague. Oui, t'as une notion de mérite, quoi. Si tu veux quelque chose, il faut pas non plus, des fois, que ça te tombe tout cuit dans le bec, quoi. C'est des fois faut un peu bosser, faut un peu travailler pour obtenir que l'on veut. Exactement. Vous avez encore une des derniers points à évoquer qui vous viennent en tête? Autrement, je trouve qu'on a quand même fait un bon tour. On aura forcément oublié des points, mais des détails. Mais si vous avez d'autres moments, moi d'autres j'en ai un à, point vite fait à évoquer. Oui. C'est putain, mais si vous l'avez pas encore vu, dégagez et allez regarder moi ce film, bordel. Déjà, si vous avez pas vu le film et que vous avez, même si vous avez écouté toute cette émission, qu'on vous a spoilé une partie de l'histoire, allez le voir. Regardez-le. Il est disponible sur le Netflix France. Donc, il est accessible. Après, il y a d'autres plateformes aussi, hein. Donc, regardez-le. C'est vraiment, Pixar déjà, c'est des bons films d'origine. Mais celui-là est vraiment très, très, très, très, très bien. Exactement. Donc, vraiment, ouais. Il y a, foncez, dans Pixar, il y a des regardez bons films, il y a des perles. Ah, complètement. Wall-E est une perle. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est ça. D'accord. Je suis entièrement d'accord aussi. Regardez-le abuser. Enfin, n'hésitez pas à le re-regarder au point de vous en dégoûter, parce que ce sera compliqué, mais de vraiment l'apprécier et d'en rêver et régulièrement, c'est un très très gros coup de cœur, et c'est notamment pour ça que j'ai voulu en faire un épisode de ce podcast. Un DVD Blu-ray pas cher à offrir à votre neveu et nièce ou cousin cousine. Ou pour vous, hein. Oui, ou à vous offrir à vous-même. Voilà, au moins. Juste pour la petite anecdote personnelle, le DVD de Wally a été offert à un de mes petits frères à Noël. Et tu très lui peu as de volé, temps après mais c'est sa mal. Sortie. Ah non, mais je l'ai regardé pas mal de fois, et avec, il avait même eu la sorte, c'est un petit Wally qui fait quoi? Qui fait, allez, 10 cm de haut, et qui peut s'animer, et qui fait les bruits, ces bruitages d'origine classique, tu vois, et c'est excellent, quoi. Alors, on le sort pas tous les jours. Et c'est un truc où t'as envie de dire, t'es jaloux. Ah maintenant moi parce que bon mais quand au début quand il aimait bien jouer avec et faire les le voir gigoter un peu dans tous les sens, c'était rigolo et c'est vrai que même là où c'est limité par rapport à au film, mais il reste mignon et le DVD ouais c'est trop bien. Mmh. C'est trop bien. On remarquera quand même, c'est fou comme un petit robot tout ça qui ne parle quasiment pas fait passer énormément d'émotions. C'est même Eve là, c'est enfin tous les robots oui. sont plus ou moins comme ça, enfin tous. Tous les robots qui prennent une part comment dire importante à l'histoire sont comme ça, mais c'est putain mais Wally et Eve quoi, ça m'a sidéré de voir que des robots comme ça qui n'ont ils ont pas de bouche, ils ont pas de nez ou etc. Ils ont juste des yeux et des bras. Ils ont même pas de jambes etc. Putain mais ils sont expressifs. Et des fois t'as envie de pleurer par moments. C'est... Non s'il te plaît non. Oh c'est trop triste. Oh c'est trop triste. Ah non mais ce film est très touchant. Oui, j'aime beaucoup la scène où de l'extincteur. Oui. Où Wally est dans l'espace et qui fonce vers la fusée et dirigé avec un extincteur. Mais oui. Ouais. Ça n'a pas de sens parce que c'est du gag pur. Mais en même temps, c'est pas tant du gag si pur que ça. Ah non, c'est très bien amené. C'est un petit peu là ce que ça fait un petit peu l'acte chevaleresque romantique en disant ne pars pas, je reste là avec toi, je te poursuivrai quoi qu'il arrive au bout de l'univers. Mais c'est ça, c'est trop mignon. Et quand tu vois la petite flamme qui se reflète dans les yeux de Wally quand il regarde Eve, c'est la flamme de l'amour, tout ça, mais c'est trop mignon, quoi. Il n'y a rien. Il a juste, c'est grosso modo, c'est une tige en fer qui roule sur des chenilles. C'est un reflet. Avec un corps carré et une paire de jumelles. C'est tout. Mais t'as envie de le prendre dans tes bras et dire, ah, toi, je t'aime. Mais montrez ça à vos gosses, quoi. Et pour vous aussi, parce que c'est génial, mais montrez ça à vos gosses. C'est trop bien, bordel. Ah, si, j'ai un dernier point. Alors, c'est décousu par rapport à comment on a parlé du film, mais c'est plus. Je te l'avais déjà dit, Musica, c'est l'expression oui. le coup de foudre. Dans le film, les moments où on voit Wally et Eve qui sont vraiment, enfin, qui sont tête contre tête avec ce petit arc électrique qui se fait entre les deux, ça fait tellement. Alors, je sais pas comment en anglais, si l'expression équivalente en anglais, mais l'expression le coup de foudre en français, on n'est pas loin de ça y ressemble beaucoup. Moi dès le début ça m'a fait, j'ai pensé, mais là c'est l'expression exacte qui passe bien avec ce petit arc électrique et c'est encore plus la petite touche finale qui passe très bien, le petit coup de foudre en plus c'est pas le premier contact, c'est parce que le premier contact physique qu'ils ont c'est quand Wally amène Eve à son espèce de cachette là pour échapper à la tempête de sable. Donc là, il se passe rien. Mais oui, c'est au moment où ils se font des petits bisous. Mais oui, c'est trop mignon, le petit arc électrique comme ça. Et en anglais, je crois que le plus juste, c'est... c'est plus ou moins l'amour au premier regard, mais ça passe beaucoup moins bien, là. C'est vrai qu'en français, là, si on va avoir un coup de foudre, etc., c'est... Non, là, elle passe très très bien. Mais je crois qu'en anglais aussi, t'as le... Comment dire, ça va avoir des petits courants électriques, tu sais, quand t'es amoureux de quelqu'un, ou... Je crois que ça passe bien. Mais oui, c'était super mignon, c'est super touchant. Mais c'est aussi le coup de la flamme, ça m'avait pas mal frappé quand j'ai revu, c'était... Ah, c'est évident maintenant, quand tu vois ça. La flamme dans les yeux de Wally. C'était juste trop chou. Donc voilà. Bon, et on a fait, je pense, encore un dernier petit tour qui a fait une bonne petite émission quand même. oui, je pense aussi. Bah, merci à Loli, Musica et Steph Core d'avoir accepté ma proposition et d'être venu dans cet épisode de la fiche. C'était avec plaisir. Pareil, plaisir aussi pour moi. C'était également un plaisir pour moi de voir revoir ce film, même de le revoir deux fois avant cette émission. Oui. Toujours aussi agréable et Et voilà, je regarderai encore dans le futur sans problème. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. C'est très agréable à vous. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les concernant le, qu'est-ce que vous avez pensé du film. Notamment, si certains ont écouté cette émission mais n'ont pas vu le film, n'hésitez pas à exprimer votre avis. Une fois que vous aurez découvert si ça vous a donné envie, par exemple. Oui, déjà, si ça vous a donné envie, et puis une fois que vous aurez vu le film, quelle a été votre impression vis-à-vis Est-ce qu'on a dit de la merde vis-à-vis de ce film ? Ce qui est dommage, parce qu'on a un peu spoilé le film, mais bon. C'est très difficile de parler d'un film sans trop parler. Mais complètement. Hein. C'est dans Wall-E, c'est pas l'essentiel, le scénario. C'est pas l'essentiel. C'est le ressenti. C'est le ressenti, c'est le visuel. C'est ce que vous verrez, vous ressentirez, à travers... ce qui vous feront ressentir les personnages à travers l'écran, ça va au-delà de l'histoire, quoi. Vous fiez pas du tout l'histoire. Et regardez-le, vous comprendrez tout de suite pourquoi est-ce qu'on est si enthousiaste sur Wall-E. Je dirais même plus regardez-le sans savoir quoi ça parle. Moi, c'était exactement le cas. Je savais vaguement de quoi ça parlait. Bah, si t'es au bout de l'émission, c'est un peu compliqué. Oui, au bout de l'émission, oui. Voilà, au bout de l'émission, oui. Mais t'as qu'à rajouter ça dans le billet. tu te débrouilles. Mais non, mais c'est sûr que le voir sans connaître l'histoire très peu, c'est génial, tu te prends une claque. Donc bon, on va faire les quelques rappels habituels vis-à-vis par rapport à l'émission. Alors pour commencer, vous pouvez retrouver l'émission à l'affiche sur PodCloud à l'adresse alaffichepdc.fr. L'émission est également disponible. Nous sommes également présents sur Twitter au compte @alaffichepdc, tout attaché. On est également présent sur Facebook. Alors sur Facebook, je dis pas de bêtises. On alors qu'il est tout seul. Ça fait deux fois, hein. Oui, c'est pas la première fois. Non, mais il parle de lui à troisième personne. C'est ça. Non, mais fais gaffe là. Ça va mal finir. Ça va finir comme certaines personnes là. C'est pas bon. On est également présent sur Facebook à l'adresse facebook.com/alaffichepdc. Voilà, on a fait. Le même adresse pour que ce soit facile à retenir pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner ou mettre un j'aime ou même si vous découvrez les podcasts vis-à-vis par des retweets ou des partages, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé ou c'est toujours sympa parce que finalement il y a une grosse majorité silencieuse qui réagit pas souvent donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit coucou de temps en temps. Du coup, on va faire un peu où est-ce qu'on peut retrouver chacun de nos participants. Alors, on va commencer. Musica, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors déjà et principalement, j'ai Twitter, donc @musica_du_mn. Ensuite, dans beaucoup de trucs de Fresh Pods. Ouais, parce que bon, là, au final, j'ai participé à tellement de podcasts que bon, c'est toujours dans la même chose. Donc voilà. On va l'appeler Laurence Doucette. Non, je valide pas. Moi, au moins, je tape pas sur les nerfs des gens, s'il vous plaît. Non, je rigole, Laurence, ça va, tu sais. On a cassé Steph Curry, je crois. Okay. Oui, non, mais voilà, on est... de toute façon, je crois que peut-être... pas forcément Steph Core, mais en tout cas Loli Oasif participe aussi beaucoup à beaucoup de podcasts de Fresh Pants. Personnellement, après, j'ai deux podcasts solo, qui sont plus ou moins arrêtés pour le moment, un pour des raisons techniques, l'autre parce que voilà, Leçon anglais et Bookshelf. Bon bah merci, t'as quand même une grosse actualité au niveau des réseaux sociaux et du podcast. Actualité. Si tu parles dans le nouveau, non. Mais après, je suis présente, je suis assez active, mais pas d'actualité, on va dire, à part à l'affiche. Loli, où est-ce qu'on peut te retrouver également? Donc moi, on peut me retrouver sur Twitter, @theloli76, et on peut me retrouver en permanent, un peu en stop en ce moment, parce que... j'ai des petits soucis qui font que je ne peux pas y participer de façon optimale dans le podcast Dudes and Beers. Oui. Voilà. On peut me retrouver là où on veut de moi. t'es déjà passé dans d'autres podcasts. Moi, je t'ai déjà entendu dans d'autres podcasts, Fresh Pods également. Ouais, mais pas que, voilà. Ah, bah, vous foutiez de moi, mais bon, voilà, lui, c'est Loli Doucet, hein. C'est, voilà. Non, non, non, pas vraiment. Non, ah, bah podcast, j'en ai pas fait tant que ça. Ah, non, hein. Tu m'as appelé comme ça, bah moi je t'appelle comme ça, c'est bon. Hein. Non, toi c'est Laurence bah, Doucet. Ouais, bah toi t'es Loli Doucet, qu'est-ce que tu veux. Bon, c'est déjà pas mal. Steph Core, il me semble que ton actualité a un peu changé depuis la dernière fois où t'es passé en plus. Exactement, donc ouais, on peut me retrouver toujours sur Twitter @StephCore et je suis désormais à l'animation avec Aldra Leonal, qui est le master boss, mais du podcast Speedrunner EED, qui est Speedrunner l'envers du décor, qui est un podcast pour faire la découverte du speedrun. Justement le fait de finir un jeu vidéo le plus rapidement. Donc on reçoit chaque mois, une fois par mois, un speedrunner sur un jeu en particulier. On essaie de voir avec lui le pourquoi du comment, ce qui il en est arrivé au speedrun, et ensuite de parler plus spécifiquement de son jeu. Donc vous pouvez découvrir Speedrunner l'envers du décor sur PodCloud, iTunes et sur Twitter @speedrunner_EED pour envers du décor, et c'est une fois par mois. Donc, si vous voulez découvrir ce milieu-là, n'hésitez pas. D'accord. Il y aura tous les liens de chacun de vos références dans le billet de l'émission. Donc, vous pourrez tout retrouver par là-bas. Et également, je vais juste rajouter ma petite pub de manière un peu honteuse. Oh non, vous pour pouvez... lui. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @oasis35 et je suis également présent tous les jeudis soirs dans l'émission TechCraft qui est enregistrée en live sur la chaîne de Kenton57. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pareil, jeter une oreille, on est disponible en live, donc venez dire un petit bonjour sur le chat, ce sera toujours agréable. Et donc merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis on va se dire rendez-vous dans un mois sans doute, courant janvier à mon avis, avec peut-être un micro teasing, un petit concept qui commence à naître dans ma tête de petits hors-série qui pourrait être assez rigolo à faire. Je ne vous en dis pas plus. Ça arrivera sans doute courant janvier. Donc voilà un début de petit teasing, ce sera rigolo. Donc sur ce, on vous dit bye bye et puis à la prochaine fois. Salut. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.